بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني. On commence la deuxième partie de cette réponse à Nadir Abu Anas concernant l'exagération dans les mises en garde. Dans la première partie, on avait détaillé Walillahi alhamd et réfuté le fait de rejeter l'appellation salafi. Et dans cette deuxième partie, on se consacrera au domaine de la mise en garde. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa sadat. Faqala hadahu Allah. Maintenant, si vous voulez vous appeler salafi ou autre en vous conformant à telle fatwa d'un autre savant, vous êtes libre. Mais nous aussi, on est libre de pencher vers l'opinion de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, et tout comme on vous impose rien, ne nous imposez rien. Barakallahu fikum. Hakada qal. Vu que beaucoup de savants, ils ont montré clairement que c'était permis de se dire salafi, il n'y avait aucun mal. Bel, Cheikh Al-Islam Al-Uthaymin, rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des savants. Et on a démontré dans la première partie que les savants qu'il a cité, Houa, pour montrer que se dire salafi c'était du sectarisme, ça poussait à la division, etc. Enfin, alhamdoulilah, ces savants qu'il a cités, eux-mêmes, ils ont montré qu'il n'y avait pas de mal sous certaines conditions qu'on avait citées. Enfin, l'imam Ali Madalik, vu qu'il sait que certains savants ils disent qu'il n'y a aucun mal à se dire salafi, arada sadbab al-intiqad alayh, fa dhakara hadha al-kalam al-hazil. Hey, vu qu'il sait que certains frères ils vont répondre, ils vont réfuter, ils vont lui dire mais tel savant, ils ont dit que c'est permis, il a cité cette parole qui n'est pas fondée sur la voix des salafs, qui n'est pas fondée sur le Coran et la Sunna. Hey, vous êtes libre de choisir la vie que vous voulez, on est libre de choisir la vie qu'on veut, et vous ne nous imposez pas votre avis, on vous impose pas le nôtre. Et hada, c'est pas un bon comportement. Le bon comportement, c'est de dire al-mafroud anna man 'indahu hujja, celui qui a une preuve que peut-être je n'ai pas eu ou je n'ai pas comprise, celui qui a un haq dans cette mas'ala, fa qui nous le montre. Wa ahlan wa sahlan. Haoula, souvent ils appellent dans cette vidéo, ils appellent souvent au bon comportement, à être modeste, la sagesse. Enfin, ça fait pas partie de la sagesse hada, de repousser celui qui a une vérité avec ce genre d'argument. Bel Allah subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billah wal-yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. C'est ça le comportement qu'on doit avoir en cas de divergence. Amma, je suis libre de choisir la vie en se basant sur la fatwa de tel shir, et toi tu es libre de choisir un autre avis, tu m'imposes rien, je t'impose rien. Là, bien sûr que nous on peut imposer à personne. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé de suivre la vérité. Et en cas de divergence, in tanaza'tum fi shay, si vous divergez dans une mas'ala, dans un sujet, farudduhu ila Allah wa rasoul. C'est cela la première étape. Et bien sûr qu'il y a des divergences, elle n'a malgré le fait de revenir au Coran et la Sunna, avec une compréhension différente, on aura chacun un avis différent, et après avoir cherché la vérité, alhamdoulilah, ça arrive dans des sujets, et on citera, inshallah, cette mas'ala. Lakin, à la base, et dans ce sujet très très important, concernant les sectes, les groupes, concernant ittiba' al-salaf, réagir comme cela, هذا سي با طيب. والله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. On n'a pas le choix. On doit tous s'efforcer à suivre la vérité. كما قال الله عز وجل. خاصة أن vous avez remarqué que les arguments qu'il a cités pour montrer que se dire salafi c'était du sectarisme, ça poussait à la division, ces arguments ils ne tiennent pas debout. Walillahi alhamd, on les a réfutés avec les propres savants qu'il a cités. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. صحيح أن بعض طلبة العلم ils ont mal compris ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. Le savant, si il se trompe, il a une récompense. Si il a raison, il a deux récompenses. Une récompense pour avoir eu raison, une récompense pour son ijtihad, pour son effort. Bah, talabat al-ilm, ils ont mal compris ça. Enfin, ils pensent que s'il y a une divergence entre savants, je choisis l'avis que je veux parce que le savant, forcément, il a une récompense. Ça, c'est pour le savant. Pourquoi ? Parce que le savant, il a fait un effort pour rechercher la vérité. Mais celui qui fait aucun effort, il suit aveuglément alors qu'il a la capacité de chercher, il rejette la vérité alors qu'on lui a montré, même s'il y a divergence, il n'a pas de récompense. اسمع كلام شيخ ابن عثيمين قال رحمه الله فنقول نعم فهذا بالنسبة له. Ça c'est pour le savant. Il a une récompense s'il se trompe. أما بالنسبة لك. أما toi. Moi. فماذا قال أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته. أما toi ou moi. Si on étudie sincèrement et on veut le haq et on s'efforce à chercher le haq, et on fait des efforts pour trouver cette vérité, et il nous apparaît clairement que le shir s'est trompé, enfin, on doit délaisser sa parole. Mais hada, c'est un fathabab de shir. C'est ouvrir une porte d'égarement, dire tu m'imposes pas, je t'impose pas. Choisis, tu as choisi ce shir, moi j'ai choisi un autre. Aïn al-ta'awun, elle est où l'entraide ? Il est où le bon comportement ? Elle est où la modestie ? Que ha'oula yudandinoun ha'oul hada dans leur da'wa. On doit se soumettre au texte. Et on doit avoir de la modestie et accepter la vérité, même si elle vient d'un autre, même si elle vient de quelqu'un qui nous réfute. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الجامع لبين العلم وفضله والقول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. Un avis, il n'est pas authentique. Pourquoi ? Parce que c'est Cheikh un tel qui l'a dit. Là, un avis, il est acceptable et il est juste si il est en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna. Fa fi hadha al-hal, on le prend. S'il n'est pas en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna, on le rejette. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la vérité. Et hadhihi al-mas'ala, on l'a déjà expliqué kathiran. Wa qala ibn al-Qasim al-Maliki rahimahullah. On a volontairement cité plusieurs paroles des imams du madhhab de l'imam Malik. لماذا لأن هذا الرجل ينتسب إلى مذهب المالكية. Il essaye de suivre le madhhab de l'imam Malik. فلهذا on a volontairement essayé de citer des paroles des imams du madhhab de l'imam Malik pour montrer أن السلف ils étaient tous d'accord, que ce soit le مالكية ou الشافعية ou autre. Ils étaient d'accord. Enfin, on doit faire des efforts pour rechercher la vérité. قال رحمه الله سمعت مالكا وليثا مالك أي الإمام مالك رحمه الله أبو عبد الله إمام دار الهجرة والليث أي ابن سعد رحمة الله عليه أي c'est un contemporain de l'imam مالك. Et يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب. C'est pas comme certains ils disent أن عند الخلاف الخلاف رحمة يقولون أو الاختلاف رحمة. Et ils disent الأمر واسع هكذا مطلقا. أي tu as le choix. Il ne faut pas être dur dans ce genre de sujet. Bien sûr après ça dépendra du خلاف. لكن des sujets très importants, même si c'est un sujet comme certains ils pensent de fiqh أن tu peux choisir la vie que tu veux. أبدا. Tu dois faire l'effort de trouver la vérité. كما قال الإمام مالك رحمه الله إنما هو خطأ وصواب. Pourquoi ? Parce que la vérité elle est une. مثلا le fait de se dire c'est salafi, notre sujet. إما c'est مشروع, إما c'est pas مشروع. إما c'est légiféré, إما c'est pas légiféré. Enfin, on doit faire l'effort de trouver la vérité. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد. هذا الكلام للطيب. Pourquoi ? Parce que أولا الإمام الشاطبي سا مالك المذهب رحمة الله عليه محقق كبير العلامة صاحب الاعتصام والموافقات. Il a écrit des livres, des ouvrages très très importants رحمة الله عليه. فقال هنا بعض الناس يديس كو يديس الاختلاف سين رحمة هذا الأخ il a fait un audio sur cela, la divergence de la communauté c'est une miséricorde. Wallahi alhamd, on a cité كذلك dans un audio les paroles des savants sur ce hadith awalan il est da'if et كذلك que la divergence c'est pas une rahma. Bal la rahma, la miséricorde, c'est de se s'unir sur la vérité. Amma la divergence, c'est pas une miséricorde. هكذا مطلقا en général. على كل حال, c'est un autre point que l'imam Shatibi هنا il a réfuté. ثم قال وعدم قال بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي أحد. التحجير c'est imposé. Exactement ce que هذا الأخ il a dit. الإمام الشاطبي رحمه الله ماذا قال؟ قال بعض الناس يدس كوي يدس ك la divergence c'est une miséricorde. ثم ils ouvrent les portes هكذا tu peux choisir tel قول ou tel قول. Il faut pas qu'on se divise au nom de ces principes. ثم quand واحد il insiste et dit là il faut revenir à la vérité الدليل كذا les imams ils ont dit telle chose directement il accuse quoi d'imposer aux autres cette accusation c'est un mauvais comportement là on doit s'entraider pour rechercher cette vérité كما قال هنا الإمام الشاطبي رحمه الله cette parole من كتاب الموافقات ثم قال هذا الله cette première partie c'était la conclusion de la partie précédente sur le fait de se dire salafi. ثم قال هذا الله ne soit pas de ceux qui lorsqu'ils voient un frère, ils commencent à le questionner, à le cuisiner, à faire une inspection. Tu écoutes qui? Tu es de quel groupe? Laissez tomber ces réflexes. Ton frère c'est ton frère en Allah. Et si tu vois des erreurs, conseille-le avec hikma. أولا السلفيون ولله الحمد ils sont pas à la هذا الحال. Les salafis ils sont pas comme ça. Quand ils voient un frère, ils le questionnent, ils le cuisinent, comme a une inspection. Tu écoutes qui? Même si ça arrive peut-être d'un jeune fougueux qui vient de comprendre ou d'apprendre c'est quoi As-Salafiyya et il ne connaît pas encore parfaitement comment se comporter et son amour de la vérité et la peur de s'égarer, il peut se précipiter. Bien sûr que ça peut arriver. Lakin, hakada. Il le cite comme si c'était le comportement des salafis. Enfin, ça, c'est pas sahih. Alhamdulillah, les salafis, ils sont pas comme ça. Les salafis, ils aiment le haq, ils appellent à la vérité, ils mettent en garde contre l'égarement. هذا أولا. ثانيا, deuxièmement, إذا كان هذا الشخص من الدعاة ويتكلم في دين الله عز وجل وينشر. Si on est exposé à une personne qui parle en public, qui fait da'wa, qui prêche, qui conseille, qui veut montrer aux autres la guider. Enfin, alhamdulillah, le sunnah, ils font attention. L'imam d'Aliyana, on vit à une époque de fitna. On vit à une époque de divergence. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa taftariq ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien informé, la communauté elle va se diviser, donc on fait attention. Fala ta'khud min ahad illa idha kunta ta'rif. Yaqinan annahu iswi al-haq. Et pour savoir, il faut se renseigner. Enfin, c'est pour ça il n'y a aucun mal. C'est pour ça que nous on encourage les frères de se renseigner. Akhi, si tu as un doute, n'écoute pas. Affichez. Écoute ceux qui sont à la sunna et tu n'as aucun doute. C'est pour ça qu'on conseille nos frères d'apprendre l'arabe pour revenir directement au savant de la sunna. Parce que c'est vrai que celui qui connaît pas l'arabe, il peut pas prendre directement des savants de la sunna, donc il faut un intermédiaire. Un traducteur, un frère, un étudiant qui lui explique. Cet intermédiaire, tu dois savoir son hal. C'est pour ça qu'on conseille nous, nos frères d'apprendre l'arabe et de prendre directement des savants. Tu vas profiter beaucoup plus de leur science, de leur comportement, de leur façon de faire. Qala al-imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, lam yakunu yas'aloun anil isnad. Falamma waqa'at al-fitna, qalu sammu lana rijalakum. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم هكذا إزة السلف تأمل محمد بن سيرين رحمه الله من كبار الأئمة من التابعين إلى rencontré certains compagnons رضي الله عنهم فهذا الإمام رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد à l'époque ils ne demandaient pas sur l'Isnad لماذا لأن la génération de الصحابة رضي الله عنهم c'était tous des udul des personnes de conscience. des hommes qui suivaient la guidée. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas d'égaré, walillahi alhamd. Lakin, lamma waqa'at al-fitna, quand la fitna a eu lieu, la communauté elle s'est divisée, des groupes ils sont apparus. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait, as-salaf? Qalu sammu lana rijalakum. Aïe, pour prendre un hadith, ils se renseignaient sur les narrateurs de la chaîne de transmission. C'est qui, il a étudié où? Est-ce que c'est une personne de confiance? Il a akhiré. Fayunzar ila al-sunnah. Donc il regardait ce narrateur, s'il fait partie de al-sunnah, il prenait son hadith. S'il faisait partie de al-bid'ah, il rejetait son hadith. Et bien sûr, il y a un tafsil fi riwayat al-mubtadi'. Certains savants, ils ont accepté certains narrateurs. Limada, il y a certains hadiths, il venait que de sa chaîne de transmission à lui, et il était connu pour ne pas mentir, avec des conditions. Lakin, quand il pouvait s'écarter d'un innovateur, il ne prenait pas de lui aslan. Donc, ce athar, il nous montre bien que c'était connu indahum, annahum, et il faisait attention et il demandait, avant de prendre la science, il demandait. Vel al-Hassan ibn Salih, rahimahullah, kama fil kifaya lil-Khatib al-Baghdadi, qala kunna. إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون أن تزوجوه. الحسن بن صالح il a dit quand on voulait prendre la science d'un homme, la science du hadith, on demandait عن حاله. D'où est-ce qu'il vient, c'est qui son shir, où est-ce qu'il a appris ce ilm, etc. Tellement qu'il posait de questions, certains ils leur disaient est-ce que vous voulez le marier? Qu'un homme il se renseignait pour le marier. Et en avant de marier une sœur à un frère, on doit se renseigner des deux côtés, bien sûr. Si on se renseigne pour le mariage, et le mariage, c'est très très important. C'est pour ça que celui qui se met en avant pour présenter ou marier un frère ou une sœur, il doit faire très très attention. C'est une amana azim. Enfin, que dire de la science? Si on ouvre les portes aux jeunes et autres que les jeunes, aucune tasfiyah. Le premier qui propage, on l'écoute. Ça ferait beaucoup de mal. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait encore du mal à la communauté aujourd'hui. Falihada al-ulama, ils appelaient souvent à la tasfiyah. Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, sa da'wa était fondée sur hada, la tasfiyah ou la tarbiyah. La tasfiyah, on doit vérifier. Un nettoyage, on doit vérifier nos sources. Thumma, quand tu as des bonnes sources, des bonnes bases, alhamdoulilah, tu vas apprendre. وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله عليه il appelait au tamayyuz. Tamayyuz, bien différencier entre ceux qui suivent la vérité et ceux qui suivent autre que la vérité. والامام ابن بطه العكبري رحمه الله عليه في الابانه قال لما قدم سفيان الثوري رحمه الله البصره جعل ينظر في امر الربيع يعني ابن صبيح. سفيان الثوري رحمه الله عليه الامام il est connu ولله الحمد عند اخواننا من السلف quand il est arrivé à Al-Basra en Irak, il s'est renseigné sur cet homme Al-Rabi' ibn Subayh wa qadrihi 'inda an-nas, et sa manzila, son rang auprès des gens, qu'est-ce qu'ils disent de lui. Fa sa'ala ayyu shay'in madhhaba, il a demandé sur son madhhab. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que si un haja, si un besoin, surtout pour prendre la science, surtout pour propager, on doit se renseigner, il n'y a aucun mal. Enfin, ils lui ont dit, « Ma madhhabuhu illa sunna. » Ils lui ont dit, « Son madhhab, il suit la sunna. » Faqala man bitanato. Ça nous montre un salaf, ils se renseignaient et ils insistaient. Pourquoi? Li anna hadha al-ilm, c'est notre din. Inna hadha al-ilm din, fanduru. عمن تأخذون دينكم كما قال ابن سيرين رحمه الله قال من بطانته أي il fréquente qui. Ils lui ont répondu أهل القدر, il fréquente القدرية, des innovateurs. فقال رحمه الله هو قدري, il a dit c'est un قدري. Pourquoi? Parce que s'il fréquente des innovateurs, c'est qu'il est comme eux. Ça serait un sunni, il ne pourrait pas fréquenter أهل القدر. فإذا كانت هناك حاجة, c'est ça le résumé de ce point. S'il y a une haja, et on doit se renseigner pour une chose, que ça soit bien sûr l'ilm, la religion, c'est le plus important, ou pour acheter un livre, ou pour écouter un prêcheur, ou pour voyager, pour étudier dans un endroit, ou hakada dans les choses de dunya, on a cité l'exemple du mariage. Bel haoula, même ceux qui accusent les salafis avec ces accusations, et qui Daïman, les mises en garde, ça les dérange. Le fait de dire salafi, le fait de dire innovateur, ça les dérange. Comme c'est le cas de ce frère et d'autres. Est-ce que pour des choses de dunya, ils ne se renseignent pas? Ils se renseignent pour acheter du pain. Si ce boulanger il est connu pour ne pas être propre, pour avoir du pain de mauvaise qualité, ils ne prennent pas de lui. C'est tout à fait normal. On doit se taire. On ne doit pas se renseigner. Amma, ceux qui disent lakin, c'est ceux qui exagèrent. On parle des salafis. Celui qui exagère, c'est... On ne va pas mettre son exagération sur al-manhaj al-salafi. Là, celui qui exagère, on le conseille et on lui montre. Il a un problème avec al-manhaj al-salafi, pas avec les salafis. Il faut bien qu'on comprenne. Ce qui est étonnant aujourd'hui, quand on entend une mise en garde, il te dit il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il fait des erreurs. Une question, tes professeurs auprès desquels tu étudies font-ils des erreurs? Soit tu me dis ils ne font pas d'erreurs, et cela est grave, car c'est leur attribuer l'infaillibilité. Soit ils en font et des erreurs, et c'est la norme, et c'est normal de faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Soit c'est la norme, la question est, est-ce que vous faites des vidéos pour mettre en garde contre les vidéos de vos professeurs? Ce point, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer au Boulogne, les mises en garde, c'est pourquoi? Pourquoi As-Salafiyoun, ils font des mises en garde? C'est parce que ils mettent en garde contre des erreurs. Thumma, donc il y a deux points. Il y a le fait que la mise en garde, c'est à cause des erreurs. Thumma, vu que personne n'est à l'abri des erreurs, et même nos savants, ils font des erreurs. Ça montre bien qui vise As-Salafiyoun. Vous avez remarqué, il parle de lui et parle d'un autre groupe avec des savants. C'est qui ce groupe? C'est les salafis. Les professeurs, les savants, c'est qui? C'est les salafis. Donc, Yaqul, vu que tout le monde fait des erreurs, pourquoi vous ne mettez pas en garde contre vos professeurs? Vos références. Vos références, c'est moi qui l'ai ajouté. Awwalan, as-salafiyin, walillahi alhamd, al-haq indahum, c'est al-haq. C'est pour ça qu'ils ont mis en garde contre certaines erreurs de certains savants. Et si c'est un savant de la sunna, ils le respectent, ils l'aiment, lakin l'erreur, ils mettent en garde contre l'erreur. فَلِهَذَا الْعُلَمَا لَا يَزَلُونَ يَرُوْدْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ dans des masailles. Et il y a plein d'exemples à ce sujet. Deuxièmement, on finit sa parole, il arrive que la mise en garde soit des mises en garde infondées, des fois c'est des mensonges. Non. Et si c'est un mensonge à l'infondé, on ne la prend pas en compte. Et une ishkel. Si il se trompe et fait une mise en garde et elle est infondée, il n'y a aucune preuve, c'est de l'injustice, il ment, on ne prend pas de lui. C'est pour ça que As-Salafiyoun, walillahi alhamd, هذا الباب revient au savant. لأن العلماء c'est أتقى الناس, c'est أورع الناس. C'est ceux qui font le plus d'efforts pour s'écarter du mensonge et de parler sans ilm, donc on revient à eux. Donc As-Salafiyoun, walillahi alhamd, ils ne prennent pas de ce genre de personnes qui mettent en garde sans fondement, sans preuve, sans dalil, en mentant. Là, on continue, il arrive aussi que ce soit à cause de sujets de divergence, où les divergences sont fondées, pas dans les osoul, mais dans les furu', les osoul, les fondements, les furu', les branches, autres que les fondements. Ensuite, il a cité des exemples de divergence entre les compagnons, radiyallahu anhum, les imams de cette communauté. Mathalan, il a cité l'exemple, la divergence dans des points concernant le hajj, il a cité la divergence concernant celui qui délaisse la salat, est-ce que c'est un mécréant, un mla, et par fainéantise, il a akhri. Donc, on a plusieurs choses. On a le fait qui dit que les mises en garde, c'est par rapport aux erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. Kadhalik, les mises en garde, ahyanan, elles sont infondées, c'est des mensonges. Ah là, on est tous d'accord. Si c'est le cas, on la rejette. On rejette cette mise en garde. Troisième point, certaines mises en garde, c'est par rapport à des sujets de divergence. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en garde, vu qu'il y a divergence. Nous, on va garder les deux points, les erreurs et les divergences. فنقول اترك التلبيس. التلبيس c'est haram. Le fait de mélanger et de tromper l'auditeur avec ce genre de kalam. Pourquoi? لأن السلفيين ولله الحمد لا يبدعون ولا يحذرون par rapport à la divergence. Ou à des erreurs que tout le monde fait et cette erreur, elle ne fait pas sortir de la sunna. هذا اولا شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال المسائل الاجتهاديه لا ريفيرونس لقاءات الباب المفتوح المسائل الاجتهاديه لا يرد الناس بعضهم على بعض اي لي سوجي ديجتهاد او كليا ديفيرجنس فاون ne refute pas celui qui a choisi un autre avis qui diverge avec nous قال المسائل الاجتهاديه مثل الشخص يقول ان الابل لحمها ينقض الوضوء والثاني لا يرى هذا مثلا un frère il étudie la masala de est-ce que si tu manges de la viande de chameau tu perds les ablutions il choisit l'avis que il faut refaire les ablutions ça annule les ablutions un autre frère il choisit l'avis que ça annule pas les ablutions les ulama ختلفوا il y a un énorme khilaf dans cette masala le khilaf il est qawi c'est pour ça que si un frère il diverge avec nous sur ce point est-ce qu'on va faire une mise en garde billah alaykoum ثم قال الشيخ العثيمين اما ان يكون مبتدعا يدعو الى البدعه فلا بد ان يرد عليه اما si c'est un innovateur il fait des bid'ah il propage des innovations il propage ce genre de kalam faux il est على منهج الاخوان il veut propager l'ikhwaniyya هذا يرد عليه et on montre ses erreurs نصحا للامه et نصحا له كذلك s'il veut الحق un conseil pour lui un conseil pour la communauté. قال لأن البدعة ليس فيها محل الاجتهاد لأن السلف كلهم مجمعون على نبذ البدع. Donc les mises en garde que les salafiyoun ils font c'est contre les mécréants. C'est contre les idées qui contredisent l'islam, c'est contre les innovateurs, c'est contre les groupes égarés, contre les ikhwan, contre les tablir, contre les takfiri, contre les hizbi الى اخره. أما هكذا faire croire qu'on fait des mise en garde des erreurs. C'est pour ça qu'il a dit tout le monde fait des erreurs. Non, tout le monde fait des erreurs. Les salafis font des erreurs, les savants salafis font des erreurs. Bien sûr. Lakin, est-ce que les salafis, les savants salafis, ils appellent à la bid'a, ils appellent au shirk, ils appellent au sectarisme, ils appellent aux passions, ils appellent au fisq, à la perversité. Abadan. Walillahil hamd. Malgré, on parle, nous, l'un du manhaj des salafis en général. Et tu peux trouver un salafi qui se trompe, bel qui s'égare. فينصح le conseil et s'il veut pas revenir enfin al ulama et citeront un jugement par rapport à son égarement on n'est pas à l'abri de sortir de l'islam tous on n'est pas à l'abri de sortir de l'islam wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afia donc vous avez bien vu talbis hada ar-rajul avec ce kalam si on revient au groupe qu'on a cité dans la première partie pourquoi as-salafiyoun ils ont mis en garde contre l'établir Jama'at al-Tablir, ce qui appelle au khuruj, etc. Pourquoi ? Li'anna asl hadi ad-da'wa, les fondements de ce groupe, c'est des soufis. C'est des soufis d'Inde. Et wallahi anna, en Inde, il a l'Inde, certains tablirs, ils font du shirk. Ba'duhum y demande au tombe, ba'duhum tawaf, ba'duhum y tamassahoun bil qubur, etc. Waqra, kitab al-allama, al-shir Hamoud, Twijri, rahmatullah alayhi, il a écrit un livre sur hada, que les savants, ils ont accepté. Pourquoi as-salafiyoun et les savants salafis, ils mettent en garde contre al-ikhwan, al-muslimoun. Al-mu'assis, kadalik, le fondateur, c'est un soufi, Hassan al-Banna, al-munharif al-dal. Il suivait une confrérie soufi, comme on a expliqué dans le cours sur la secte des frères musulmans. Kadalik, ce groupe, tasabbabou, jusqu'à aujourd'hui, تسببوا في التفرق والتمزق. Si tu prends l'exemple du printemps arabe, c'est les Ikhwan qui étaient derrière cette fitna. Elle khuruj contre les gouverneurs, ils ont délaissé un fondement de l'islam. Un des fondements de l'islam et de la sunna, c'est d'obéir au gouverneur et de patienter même s'il est injuste. Et s'il appelle à un péché ou à une chose qui contredit l'islam, on lui obéit pas. Lakin sans se rebeller. Ils se sont rebellés, ça a causé des milliers de morts. Al-Kuffar, ils en ont profité pour s'implanter encore plus dans certains pays. C'est pour ça que l'ulama, ils mettent en garde contre hada. Est-ce que l'ulama, ils ont mis en garde contre l'établir parce qu'on a un khilaf dans une mas'ala fiqhiyya? Ils bougent les doigts dans le tashahoud et nous, on bouge pas le doigt. Est-ce que t'as déjà vu un savant salafi mettre en garde et rendre innovateur pour eux, pour ce genre de sujet? C'est pour ça qu'on a dit « Otrok at-talbis ». Regardez les ulama, pourquoi ils ont mis en garde contre Sayyid Qutb, al-munharif al-dal? Pourquoi? Qal bi wahdati al-wujud. Sab al-sahaba, certains compagnons. Bel des critiques contre Moussa, alayhi salatu salam. ta'til al-sifat. Des choses très très graves. Al-ulama raddou alay. Ils ont montré son hal, walillahi alhamd. Sa fitna, elle a fait beaucoup de mal, elle fait encore du mal. C'est une référence des khawarij et des tekfirs à notre époque. Falihada al-ulama raddou alay. La question qu'on pose avant de continuer l'an, limada, si ce qui te dérange, ya nadir, c'est l'exagération dans la mise en garde. Enfin, n'exagère pas. N'exagère pas, Anta. Fais pas l'erreur que certains y font. Pourquoi tu me mets pas en garde avec justice et avec véracité? Tu conseilles la communauté des égarements de Sayyid Qutb. Beaucoup de gens en France, ils le suivent. Pourquoi tu mets pas en garde contre les frères musulmans? Pourquoi tu mets pas en garde contre les khurafat, les bid'ah, ben, le shirk de sauvie? Et tu montres, walillahi alhamd. T'adkouroun, Anna, il a cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, Anna, les salafis, c'est ceux qui sont le plus proches de la vérité. Tu as cité cette parole. Donc les salafis, pour toi, normalement, ça doit être ceux qui sont plus proches de la vérité. Pourquoi tu réfutes pas ceux qui sont pas sur cette vérité? Combien de groupes? On reste dans le domaine francophone. Il y en a, ce frère, il prêche principalement pour les francophones. En France, ou en Afrique, ou en Belgique, ou au Canada, il y a beaucoup d'égarements. Pourquoi tu fais pas un effort pour mettre en garde? T'as le monde, pourquoi? Parce que tu suis pas al-manhaj al-salafi. Al-manhaj al-salafi, parmi ses points importants, c'est rad al-mukhalif, mettre en garde contre celui qui délaisse la vérité et qui égare les autres. Kadalik, pourquoi? On reste dans la sphère francophone. Pourquoi al-salafiyoun, ils mettent en garde contre Tariq Ramadan? Tariq Ramadan, limada? On n'est pas comme certains. Vous avez remarqué que Tariq Ramadan, quand il a eu ses problèmes de justice, quand il a été accusé de viol, etc., beaucoup, ils ont parlé sur lui. Vous avez remarqué, Hada? As-Salafiyoun, ils n'ont pas mis en garde contre Tariq Ramadan que pour ça. Bel, ils ont mis en garde contre lui à cause de son manhaj d'Ikhwan et à cause de ses égarements dans la croyance concernant la laïcité, concernant la sunnah. Il a prétendu qu'il fallait un moratoire et qu'il fallait changer certaines choses de sharia, c'est plus acceptable, c'est plus adaptable à notre époque. C'est de la mécréance. As-Salafiyoun raddou alayhi. Ils ont mis en garde. L'imad as-Salafiyoun, ils mettent en garde contre Hassan Iqusan al-Ikhwani, al-Dal. Ils se moquent de Sunnah, ils se moquent des Salafis. Il fait les éloges de Yusuf al-Qardawi, al-Munharif. Il fait les éloges de l'Ikhwan, c'est un Ikhwani. Fallait Hada, ils mettent en garde contre lui. On n'a jamais mis en garde contre Hassan Iqusan ou un autre parce que dans le fiqh, il dit que la viande du chameau, c'est il faut faire l'oudo ou ne pas faire l'oudo après l'avoir mangé. Abadan. Fatruk at-talbis. On n'a pas le droit de tromper les autres. Parle bihaq. Montre clairement ta position. Et notamment ça, on se conseille. Celui qui a la vérité, on n'est pas là pour prendre le dessus ou pour avoir le plus de suiveurs. Et toi aussi, ça doit être cela ta position. Celui qui a la vérité, on revient à la vérité. Et notre but à tous, ça doit être de secourir cette umma, de propager la vérité. Wa hakada, un des derniers exemples, wallahi alhamd, on l'a réfuté, Rachid Abu Hudayfa, Rachid Al-Jayl, hein, il s'appelle Hakada, il a délaissé la kunya. Pourquoi As-Salafiyoun y met en garde? Pourquoi? Le diplôme de laïcité, mise en garde contre les salafis, inhiraf clair dans la aqida concernant al-kuffar, etc. Mouhim, des choses très très graves, des choses qui touchent al-tawhid ou al-aqida. Est-ce qu'un salafi, il a réfuté Rachid al-Jayl pour une mas'ala fiqhiya? Même la barbe, on a la croyance et on a la conviction que c'est une obligation. Et c'est la parole des imams, des quatre écoles et autres. Même sur cela, on l'a pas critiqué. L'imam, il y a des choses plus graves. Il y a des choses plus graves. On l'a pas critiqué parce qu'il porte le pantalon. Hein. Là, as-salafiyoun, il critique le plus important. Et Khassatan, c'est un prêcheur, il a beaucoup de suiveurs. Enfin, c'est pour ça. Enfin, on le répète. Utruk at-talbis. Wallah al-musta'an. Une autre chose, et ça concerne directement Had al-Akh, Nadir Abu Anas. Al-ulama, ou as-salafiyoun, hadharu min al-musamma. Mohamed Hassan Ad-Daddou, hakada Ad-Daddou, bon, ça se prononce, Al-Shinqiti, le Mauritanien, il est connu. Les mains, là, ils ont mis en garde contre lui. Awalan, Nadir Abu Anas, comme Ya'lam Adon Al-Ba'd, ils ont fait un séminaire ou un rassemblement, Madri Ayni Al-Muhim, il y a une intervention de cet égaré. ce Mauritanien. Et Nadir Abu Anasi, Yurahibbi, Cheikhouna, notre Shir, Kada, il a. Et ça montre qu'il a de l'estime pour lui, du respect, etc. Et Yestafid, mais il profite de lui. La preuve, ils l'ont invité à intervenir dans leur séminaire ou leur conférence. Limad al-ulama yuhadhirun min hadha ar-rajul. Pourquoi? Parce qu'il fait des erreurs comme tout le monde fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il diverge avec nous dans le fiqh. C'est un maliki et nous on a choisi le qawl de l'imam Shafi'i. Abadan. Haddaru minh limada. Un exemple, li ta'ziyatihi. Li shaykh min mashaykh al-soufiya. At-tijaniya. T'alamoun anna at-tijaniya, ils ont des égarements. Na'oudou billah. On a fait un cours sur eux dans notre série Les sectes en islam. Shirkun wadih. Ibadatul amwat, ils adorent les morts. Min dounillah azza wa jal. Fahoua, quand leur cheikh Ahmed ibn Cheikh Ibrahim, il est mort, il les a azzi et il leur a rendu visite. Na'oudou billah mina azzayr ou dalal. Kadhalik, ta'nou fi wulat al-umour. C'est un ikhwani, et parmi ses chouyours et ceux qu'il respecte, c'est Youssef al-Qardawi. Enfin, c'est des ikhwan, et il a participé au printemps arabe avec des fatawas. Il a appelé à se révolter contre les gouverneurs. Na'oudou billah. Et quand ils lui ont posé la question sur Al-Mursi, l'ancien président d'Égypte, rahimahullah, qui est mort il y a quelques temps, quand les gens ils ont voulu se révolter contre lui, ils ont posé la question à Hada Ad-Daddo. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit la yajouz al-khuruj ala wali al-amr al-muslim. Limada liana Mursi, il était connu, c'était un ikhwan, il faisait partie des ikhwan. Quand c'est un des leurs, il ne faut pas se révolter. Quand c'est les autres, c'est un muslim, c'est un gouverneur. Parmi les gouverneurs des muslimis, la yubaloun. Kadhalik, hada ad-daddo, il a menti sur Ibn Abbas. Wa Salama, radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, haoula, ses deux compagnons, Ibn Abbas et Salama, c'est les salafs de Al-Ash'ara. Et yu'awwiluna as-sifat. Yu'awwiluna as-sifat ala tariqat Al-Ash'ara. Et c'est les salafs des Ash'ara. Na'oudou billah. L'imam Nutaymiya, rahimahullah, wa ghayruhu min a'immat al-sunnah, ils ont rapporté l'ijma' anna as-salaf min as-sahaba radiyallahu anhum. Les imams qui sont venus après eux, ils ne faisaient pas de ta'wil dans les sifat. Ils n'interprétaient pas, ils ne déformaient pas les attributs. Mais ils acceptaient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il les a révélés. Al-istiwa ma'loum. Hakada qala al-imam Malik rahmatullah alayhi. Ils n'ont jamais déformé par istawla ou autre. Kadhalik, annahum nasharu, ils ont propagé une vidéo. Yadhar viha hada ad-daddu al-munharif. Wa huwa yatabarrak bi boussaq shaykhihi ala tariqat al-soufiya. Al-rajul c'est un soufi. Annahu, il a tendu la main vers son cheikh. Et son cheikh il a craché dans sa main. Et il s'est frotté avec la salive de son shir. À la tariqat al-soufiya. Et pour eux, dans la salive du shir, shir mudbir min al-soufiya, et hakada, ils recherchent la baraka dans la salive de leur chouyour. Nadir Abu Anas, ils ont invité hada al-munharif pour participer à leur séminaire ou leur conférence. C'est pour ça que as-salafiyoun yaruddoun alaykoum. C'est pour ça que salafiyoun, et on encourage les salafis à mettre en garde contre vous et à mettre en garde contre tous les égarés. Hatta tatoubou. Wa baynana wa baynakum al-haq. Entre vous et nous, la vérité. Montre-nous l'âne que hada ad-daddou, tu ne le soutiens pas et c'était une erreur de ta part et toub ilallah. Montre-nous hada. Après ces égarements qu'on a cités. Et ils sont propagés. Avec internet l'âne, c'est très très simple. Avec internet l'âne, tu t'entends et tu vois. Maintenant, on ne conseille pas à nos frères de regarder bien sûr des vidéos avec des êtres humains. وَقَالَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَهُ حُرِّيَّةَ التَّدَيُّنُ وَهَذَا je l'ai entendu بِأُذُنَيْ un audio, ils ont propagé. Et il dit clairement, l'être humain, il a le droit de choisir, il est libre, il a le droit de choisir sa religion. نَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْإِنْحِرَافِ. Vous avez vu, c'est des égarements, c'est pas simple. C'est pour ça que j'ai dit et j'ai insisté, délaisse at-talbis. Tu sais très bien, Allahu a'lam, que les salafis, ils réfutent pas pour les masaïl de fiqhiyya. C'est pour ça, dans l'audio, il a cité pendant madri 5, 10, 15 minutes des exemples de khilaf dans le fiqh. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça. Kadhalik, par rapport aux égarements qu'on a cités sur la liberté de croyance, sur le fait de rechercher la bénédiction dans la salive d'un chir. Reviens aux paroles des imams que tu nous as cités pour montrer que les salafis, c'est une secte. Lis les paroles de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, les trois savants qu'il a cités, kadalik Cheikh Ar-Rajihi, yaqulun anna celui qui dit que كما قال هذا حرية الاعتقاد tu es libre de ou حرية التدين tu es libre de choisir ta religion, pour eux c'est de la grande mécréance. ثم قال أصلحه الله, maîtrise ta langue et ne dis que du bien. Ensuite il a cité plein de preuves sur les dangers, l'interdiction de la médisance. ثم قال tais-toi, arrête de parler sur les gens, occupe-toi de ta propre personne. Et ces gens qui parlent d'autrui, ils disent qu'ils suivent les pieux prédécesseurs. Ça montre qu'ils visent les salafis. Qui c'est qui dit l'âne, qui suit les pieux prédécesseurs? C'est les salafis. Ulama wa tullah. Wa a'wam wa lillahi l'hamd. Voyons comment se comportaient les pieux prédécesseurs. Ensuite, il a cité beaucoup de paroles, ou certaines paroles de salaf sur la médisance. Donc, Huna, il essaye de montrer que le fait de parler sur les autres, c'est de la médisance. An Aisha radiyallahu ta'ala anha, anna rajulan ista'adhana على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى كريتيكي سدم. قال الإمام النووي رحمه الله dans شرح مسلم وفي الحديث أي dans ce حديث نختصر ونغيزم جواز غيبة الفاسق الملعن فسقة ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. Dans ce حديث العلماء يقولون أن c'est un fondement dans Bab al-Jarh, dans la critique. C'est permis de critiquer même un musulman pour s'il y a une raison valable. Et l'imam Nawawi rahimahullah dans Riyad al-Salihin tathkurun, on a déjà lu son kalam, que c'est permis de parler même sur un musulman dans certains cas. Parmi ces cas, comme a dit huna, at-tahdhir minhu, pour mettre en garde. Donc la mise en garde que ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, ça fait pas partie de la médisance. On répète bien sûr si c'est une mise en garde fondée sur l'ilm et si c'est pour conseiller le musulman, alhamdoulilah, mettre en garde contre l'innovation, il n'y a aucun problème. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. Critiquer certains rapporteurs de hadith qui ne sont pas de confiance ou ceux qui propagent des innovations, c'est une obligation. فَإِنَّ بَيَّنْ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّ مِنْهُمْ وَاجِبْ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. C'est une obligation selon l'unanimité des savants. Huna, il a rapporté l'unanimité des musulmans. Sahih, qu'est-ce qui dérange Haoula si le sunnah salafiyoun, ils mettent en garde contre Sofiyya, contre l'Ikhwan, contre les égarés? Qu'est-ce qui les dérange? Ta'lamoun, qu'est-ce qui les dérange? Anna Haoula, كثير منهم, ils font partie d'un de ces groupes. Imma des tablir, imma des ikhwan ou autre. Même s'ils ne se disent pas tabliri ikhwan. N'tabihu. Il y en a l'appellation, c'est une chose. Et le fait de suivre un groupe, c'est une autre chose. Ba'ban nas, ils sont à la tariqat al-ikhwan. Et ils suivent l'ikhwan. Ils ont les fondements du groupe des ikhwan muslimin. Et ils ne se disent pas ikhwan. Donc, on n'a pas besoin, nous, de. Matalan, wahid dit, mais je ne me dis pas ikhwan. Là. Ça suffit pas. Il faut délaisser les fondements d'Ikhwan et il faut suivre la Sunnah. قال شيخ الإسلام بعد ذلك حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Ça c'est une réfutation sur ceux qui disent Anna, occupe-toi de ta propre personne. Fais la salat, jeûne. Pourquoi tu t'occupes que des autres? Si c'est un mubtadi', il y a un énorme profit de s'occuper de lui. Pourquoi? قال الإمام أحمد رحمه الله. Donc ils lui ont posé la question. Un homme qui prie la nuit, qui fait l'i'tikaf, qui jeûne. L'i'tikaf, c'est la retraite, est traduit par retraite spirituelle, et le fait de rester au masjid un certain temps. Est-ce que c'est mieux ou celui qui parle sur les innovateurs? قال رحمه الله إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. S'il fait salat, il jeûne, c'est pour lui. Et le bien, il est restreint sur lui. قال واذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين هذا افضل. S'il parle sur les innovateurs, bi'ilm, et il met en garde, il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il aime ses frères et il a peur que ses frères, ils ont des ambiguïtés ou ils s'égarent. Enfin, il n'y a aucun doute انه c'est mieux. لماذا؟ لانه il fait profiter la umma, il fait profiter les autres. فائدة. الإمام ابن القيم رحمه الله قال في كتابه الداء والدواء: وفي اللسان آفتان عظيمتان. Cette faïda, elle est très très bénéfique. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué que concernant la langue, beaucoup de gens, concernant la langue, ils mettent en garde, et ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de preuves, ils mettent en garde contre le fait de parler sur les gens. On précise, nous on a parlé injustement, à mettre en garde contre des innovateurs, c'est permis. Lakin, le fait de parler injustement, de mentir, etc., c'est très très grave. Et ça, ça fait partie des mots de la langue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité deux catégories. قال إن خلص العبد من أحدهما لم يخلص من الأخرى ولم يخلص من الأخرى. Si, en général, si une personne elle est épargnée d'une de ces deux maladies, elle tombe dans l'autre. Et c'est rare ceux qui sont épargnés de ces deux maladies de la langue. قال آفة الكلام وآفة السكوت. هكذا أئمة السنة. Ils voient loin. Ils ne pensent pas qu'à leur propre personne. Ils ne jugent pas avec les sentiments. Leur but, ce n'est pas de regrouper. On doit s'unir, on doit se regrouper. Leur but, c'est de se regrouper sur la vérité. Leur but, c'est d'élever la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَلِهَذَا قَالَ Ces deux maladies, c'est quoi ? La maladie de la parole et la maladie de se taire. La parole, le fait de parler, et mentir, la médisance, etc. قَالَ وَقَدْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الْأُخْرَ فِي وَقْتِهَا Ça dépend. Ça peut être plus grave le fait de parler, des fois c'est plus grave de se taire, et il faut parler. قال رحمه الله فالساكت عن الحق شيطان أخرس. Celui qui se tait alors qu'il peut dire la vérité, c'est un شيطان أخرس, c'est un شيطان muet. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. قال عاصي لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. Bien sûr, avec cette condition. Mais s'il craint pour sa personne et s'il parle, on peut lui faire du mal. فهذا, il a une excuse. قالوا المتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصي لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه والسكوت. La plupart des gens, ils sont égarés dans leur parole et dans le fait de se taire. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'on ne doit pas élever les jeunes et les musulmans, les mu'minoun sur le fait que de se taire. Là, le juste milieu. Fais attention avec ta langue, ne parle pas بالباطل, ne mens pas, ne fais pas de médisance, ne sois pas injuste. Et كذلك, attention de te taire, alors que tu peux montrer la vérité. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Secours ton frère. Et dans beaucoup de cas, le secours, c'est en parlant. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فباللسان. فإن لم يستطع فبقلبه. Donc celui qui voit un munkar, quelque chose de répréhensible, de haram, de mauvais, qu'il change cette chose avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur. Donc, on doit donner de l'importance à ce sujet, pas comme ils font Ahlul Ahwa, Anahum, pour écarter les gens de As-Salaviyyin et de Hadha al-Bab al-Azim, Bab al-Jarh wa al-Ta'dil. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils citent ce genre de Adillah pour montrer que le fait de parler sur les innovateurs, c'est de la médisance. Abadan. Et on n'a pas le temps, illa fa. On aurait cité beaucoup de paroles de salaf à ce sujet. Fal mizan, c'est le haq. C'est ça le mizan. Le mizan, c'est le haq, c'est la vérité. On n'a pas le droit de parler bil batil, sans preuve. Et kadalik, on n'a pas le droit de se taire alors qu'on peut montrer la vérité. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, pour réfuter sa parole, vous prétendez, certains disent qu'ils suivent les pieux prédécesseurs. Voyons comment se comportaient les pieux prédécesseurs. Thomas, il a cité des paroles de Salaf qui sont véridiques sur l'interdiction de faire de la médisance. Non, c'est interdit. Lakin, critiquer les innovateurs, c'est pas de la médisance haram. Les Salaf, ils l'ont autorisé. La preuve, l'imam Malik, rahmatullah alayhi, قال, comme avait Al-Jami' ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ça c'est des ouvrages de référence dans le madhab al-Maliki. Kathir min ha'oula, qui se prétendent l'an min al-Malikiya, qui suivent, ils ont décidé de choisir un madhab. والله أن أئمة المالكية ستمين أشد الناس على أهل البدع. Les savants, les imams du madhab maliki, ils faisaient partie de ceux qui étaient le plus durs envers les innovateurs. Et ils s'accrochaient beaucoup à la sunna, rahmatullah alayhim. فالإمام مالك رحمه الله قال لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم ولا يعاد مريضهم ولا تحدث عنهم الأحاديث. Ne leur passe pas le salam. Ne les fréquente pas. Si ton malade, ne les visite pas. Et ne rapporte pas de des hadiths. Est-ce que c'est de la dureté? Est-ce que c'est de la médisance? Wahid, il peut dire, mais il a pas parlé d'un homme en particulier. On n'a pas le temps. Il en aurait cité des dizaines de athar al-salaf qui critiquaient des hommes avec leur nom pour mettre en garde l'ummah. Hada wa lillahi alhamd, c'est ma'rouf. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجالدوهم ولا تسمعوا منهم. Ces deux affaires qu'on vient de citer, cette mise en garde contre les gens des passions, contre les innovateurs, de l'imam Malik, de l'Hassan al-Basri, ben il y a l'unanimité. La question qu'on se pose en tant que musulman, comment je fais pour savoir que c'est un innovateur? Comment je fais? Si personne ne met en garde, je fais comment? Je ne peux pas savoir. Donc la mise en garde, elle est essentielle pour que les musulmans ils puissent mettre en application ces paroles des imams de la communauté qui sont fondées sur des preuves du Coran et de la Sunna. فلهذا محمد ابن بندار رحمة الله عليه قال قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله. Il a posé cette question à l'imam Ahmed. إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. Il m'a dit j'ai beaucoup de mal, ça me gêne de dire un tel c'est un menteur, un tel il est faible dans le hadith, et de critiquer un musulman. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Si tu te tais, je me tais. Les savants ils ne parlent plus, les étudiants ils ne rapportent plus les paroles des savants. Comment les croyants, nos frères, ils vont connaître la vérité? Ça c'est minal rish. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de trahir nos frères. C'est pour ça que an-nasiha c'est très très important. On montre. Bien sûr, mais al-hikma avec ilm, avec un bon comportement. Là, qui nous montre? Ulama ou salaf, ils avaient de la shidda, ils étaient très très durs envers les innovateurs. L'imam Malik rahmatullah alayhi, il a fait sortir un homme qui a posé la question sur l'istiwa, et il l'a fait sortir parce que c'était un innovateur. Est-ce que c'est un manque de hikma? قال الإمام العلامة القرافي المالكي رحمة الله عليه كما في أنواع البروق أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها وينفر عن ذلك المفاسد. On a cité la parole de هذا Al-Allama, Al-Qarafi. Pourquoi? Parce que c'est un maliki, rahmatullah alayhi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les innovateurs, leurs ouvrages, on doit montrer aux gens clairement leurs méfaits et leur contradiction de la vérité. Pourquoi? Pour que les gens y fassent attention. Ça montre quoi? Ça montre qu'on doit nommer, on doit être dans le nominatif, dire un tel. Lillah, Azza wa Jal. والشيخ بن باز رحمة الله عليه قال النقد من أهل العلم والتجريح من يجب تجريحه من باب النصح للأمة والتحذير من بدعته وانحرافه أمر متعين كما فعل السلف سابقا ولاحقا من الرسائل المتبادلة للشيخ بن باز. Donc النقد, la critique des gens de savants, والتجريح, تجريح ça vient du mot jarh, كذلك on peut le traduire par critiquer, mettre en garde. Man yajib tajrihu, celui qui mérite cette mise en garde, c'est min al-nasih, ça fait partie du conseil pour la communauté. Et c'est une mise en garde contre la bid'a. Qal wa hadha amrun mutaayyin, c'est une obligation, comme fa'ala ulama as-salaf, comme ils ont fait les savants des salaf sabiqan ou lahiqan, les anciens et ceux qui les ont suivis. On a déjà cité al-ijma', l'unanimité, ala hadha. Wallahu musta'an. Min bab al-insaf, avant de finir, Léana, dans nos réfutations, on doit être juste. On ne doit pas se laisser emporter par la colère, par les passions. Et on veut absolument avoir le dessus et on cite certaines parties, on ne cite pas d'autres. Léana, au départ, je n'avais pas l'intention de faire en deux parties. Léana, au fur et à mesure d'avancer, tu ne peux pas citer une partie et délaisser l'autre. Léana, quelqu'un qui écoute, il va dire, Léana, dans la vidéo, il a dit telle chose, tu n'as pas dit. Ou il a ajouté cela, tu n'as pas cité. Fallait être dans la mise en garde, on doit patienter. Certains sujets autres que les mises en garde, tu peux résumer, un petit résumé. Lakin, on parle sur une personne, on parle sur un musulman. On doit être juste. Et Wallahi, notre but, c'est de montrer le haq. Et notre espoir, c'est qu'il accepte le haq. Et al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. Après avoir propagé cette vidéo, il a écrit un commentaire sur Facebook. Qala, cette vidéo a pour objectif de dire aux jeunes, délaissez ces mises en garde et occupez-vous à apprendre la science. Les mises en garde ne sont pas interdites. Il a fait cette précision. Les mises en garde, c'est pas interdit. Elles sont parfois obligatoires, mais celles-ci doivent être faites par des savants, les gens de science. Donc il a bien précisé, et c'est la vérité, que les mises en garde, c'est pas interdit, que c'est parfois obligatoire, et ça doit être fait par des savants. Et celles-ci doivent être fondées, contrairement à un grand nombre de mises en garde aujourd'hui, qui ne sont que calomnies, qu'Allah guide notre jeunesse. Al-Jawab, لو كان يقبل تحذيرات العلماء لأن son كلام هنا il est juste لكن on lui dit si tu acceptes لأن il a admis que les mises en garde c'est parfois obligatoire si elles sont faites par des savants bien sûr il y a un besoin etc فنقول له si tu acceptes تحذيرات العلماء c'est pour ça on n'a pas besoin comme certains ils essayent de s'écarter du sujet certains jeunes certains frères on parle pas de jeunes ou de frères là, hein. On parle du manhaj salafi qui est fondé sur le fait de propager la sunna de mettre en garde contre la bida propager le tawhid mettre en garde contre le shirk donc il y a un appel et il y a une mise en garde contre ce qui contredit les fondements de cet appel donc si tu acceptes les mises en garde des savants fa limada tunkir ala salafiyyin تحذيرهم من الفرق الضالة. Pourquoi donc, comme on l'a vu dans la première partie, tu reproches aux salafis de mettre en garde contre les ikhwan, les tablir, c'est de la division, c'est du sectarisme. Et il n'y a pas de différence entre ces groupes. Les ma'ada, les anahum, ils appellent tous au sectarisme. Et bien sûr, les salafis ils sont le plus proche de la vérité, lakin ils ont aussi des défauts. Si on revient à ce point, donc les salafis, c'est les plus proches de la vérité, lakin ils ont aussi des problèmes. Les autres qui sont loin de la vérité, les manas, tu ne propages pas les fatwas des savants. Tu as fait une vidéo pour montrer les quelques problèmes des salafis pour toi. Pourquoi tu ne fais pas une vidéo pour montrer les égarements des ikhwan, de Sayyid Qutb, de Al-Qardawi, de Al-Banna, de Ha'oula qui font beaucoup de mal à la jeunesse. Tu as fait هذا الدعاء الطيب, cette invocation, qu'Allah guide notre jeunesse. On doit faire les causes. Parmi les causes pour que notre jeunesse elle soit guidée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide notre jeunesse et qui nous facilite les causes, c'est de leur montrer la vérité. Est-ce que c'est même nous de dire les salafis, les ikhwan, les tablir, on est tous des frères, on a tous des erreurs, il ne faut pas faire de sectarisme et on avance. Ça c'est minan nasiha. C'est pas minan nasiha. C'est pas minan nasiha. Les salaf, ils montrent le haq. Bel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فرق بين الناس كما جاء في الحديث dans une rawaya فرق بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم فرق il a divisé entre les gens حتى des membres d'une même famille c'était devenu des ennemis à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام les mains d'aller il a appelé à la vérité enfin, on doit appeler à la vérité et si on appelle à la vérité ça causera de la division la boute لكن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه المالكي il a démontré أن lorsqu'il y a de la division celui qui met en garde et qui appelle à la vérité, c'est pas lui la cause. L'imada, l'anna, ça peut pas être la cause d'un mal alors que cette cause, elle est citée dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas possible. Ça nous montre quoi, Ada? Ça nous montre que la division, c'est qui les responsables? C'est les ikhwan, c'est les tablir, c'est les soufis, c'est les takfiri, etc. Amma, as-sunni, as-salafi, il montre la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait comme péché ce salafi si les autres, ils veulent pas accepter? Ada. Et on n'a pas le temps de lire Kalam al-Shatibi, l'anna. Ça fait déjà une heure, on essaye de conclure. كذلك, dernière précision, c'est qui les savants ? منهم العلماء. Elles ne sont pas obligatoires, il a dit, elles doivent être faites par des savants, des gens de science. C'est qui les savants ? Si tu considères Mohamed Hassan al-Daddou, min al-ulama, c'est un munharif. Et ça montre que si tu. Après avoir connaissance, Allahu alam, est-ce qu'il connaît ces égarements même là, laquelle on te conseille de faire des recherches et de t'écarter de هذا المنحرف. Wallahi, ceux qui ont fait du mal à ce genre de frères, Nadir Abu Anas, Rashid Al-Jay, ila aghire. Vous avez remarqué ce qu'ils appellent, on a évolué, et c'est l'inhiraf, c'est de l'égarement, c'est leur fréquentation. Et c'est le fait qu'ils se sont écartés des salafis, hatta al-ikhwan, ils en ont profité. Et ça a été la cause de ce changement. Al-Khatima, on conclut avec la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, qui a fait Ithaf Al-Qari, son charh de charh Al-Sunnah Al-Barbahari, Rahimahullah, قال الذي خرج عن الحق معتمدا لا يجوز السكوت عنه. Celui qui délaisse la vérité volontairement, on n'a pas le droit de se taire. قال بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. Cheikh Al-Fawzan, il a cité Tadkurun, il avait reposté une vidéo, comme je l'ai dit dans la première partie, pour montrer que Cheikh Al-Fawzan, il disait que le salafisme, c'est du sectarisme. Il a akhiré. Hakalam Cheikh Al-Fawzan, si tu veux le propager, كذلك. Cheikh Al-Fawzan, قال يقولون اترك الردود دع الناس كله له كل له رأيه واحترامه. أي certains disent, Cheikh Al-Fawzan, il rapporte, certains disent, arrêtez avec les mises en garde. Laissez les gens, chacun choisit ce qu'il veut, chacun est libre de choisir un avis. قالوا حرية الرأي وحرية الكلمة بهذا تهلك الأمة. C'est une cause qui ruine la Ummah. Délaisser les rodeaux, délaisser les mises en garde. Pourquoi? Parce que les mises en garde, c'est du ilm. On parle des mises en garde de l'ulama et des étudiants qui reviennent aux savants. C'est de la science. Donc celui qui met en garde contre cela, et on est libre, on ne doit pas imposer, j'ai choisi cet avis, ce shir, pourquoi tu veux m'imposer? C'est ce qui a fait du tort à la Ummah. C'est ce qui a causé la division. حقاً. قال السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم لخطرهم على الأمة. السلف se sont battus, comme on a cité plusieurs paroles. فالردود على المنحرفين, c'est une ni'ma, من نعم الله عز وجل, c'est un bienfait. On doit être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, qui a guidé des imams qui ont pris de leur temps pour nous montrer les égarements de un tel et un tel. On doit être reconnaissant. كذلك الواجب على الجميع سلوك طريق السلف فلا إفراط ولا تفريط. هذا c'est un conseil pour moi-même et pour les frères. On doit tous faire des efforts pour suivre la voie des salaf بلا إفراط ولا تفريط. On doit faire attention à l'exagération et كذلك au laxisme, le juste milieu. Et on fait des efforts et on se corrige. Si un frère il a tendance à exagérer, à se précipiter, on le conseille يا أخي إهداء الهدوء الطيب. Et surtout ne pas devancer al-ulama fi hadhihi al-masail. Limadha? Parce que les ulama, ils ont une hikma qu'on n'a pas, ils ont de la science qu'on n'a pas, ils ont une façon de voir des choses qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup de science, ils ont de l'expérience. Enfin, bien sûr leur façon d'agir, ça sera pas comme un jeune débutant dans la science. Enfin, limadha, on conseille à nos frères de le juste milieu, de revenir au savant. وَمَنْ حَصَلَ مِنْهُ, celui qui a fait une erreur, qui a commis une injustice, ben il demande pardon. Et ça, c'est une mise à indes salafiyyi. Wallahi, as-salafi. Même si certains, ils se précipitent des fois, certains, il leur arrive d'avoir un mauvais comportement, lakin as-salafi, il aime bien l'ilm. C'est pour ça que combien de salafis se sont trompés? Tu le conseilles, ya akhi taqillah. Pourquoi t'as dit cela? Et yatoub, il se repent. Contrairement à ahlul bid'a wa dalal, qu'a-t-il mais non, mais ils appellent au bon comportement, à l'unité, à l'union, tu le concentres dans une mesela, il ne peut pas répondre, il n'a pas d'argument pour répondre, et il s'entête et il t'accuse de vouloir diviser, et tu es dur, etc. Et vous avez remarqué que Haoula, quand tu les réfutes, en citant leurs paroles, à la lettre, comme on a essayé de faire, avec une recherche approfondie, tu cites un kalam, on essaye de te montrer que, imma la parole elle est fausse, imma même si la parole elle est authentique, t'essayes d'appeler à ta voix et on te montre bi'idnillah azza wa jalla la voix des salafs. Une recherche approfondie et un travail sérieux bi'idnillah azza wa jalla. Qu'est-ce qu'ils disent haoula quand tu les critiques de cette façon? Ils disent andoro haoula. Il espionne le frère. Annahu, il recherche une erreur chez le frère. On recherche pas d'erreur chez le frère. Abadan. Là, quand on a su que ce genre de kalam, il était faux. Et Haoula, ils ont des suiveurs, et on sait que beaucoup de leurs suiveurs, ils aiment la vérité. Wallah, ilham, c'est des croyants, et ils veulent faire des efforts dans le dîn. Al-Wajib, c'est le nom, ça. Enfin, est-ce que c'est un bon comportement d'accuser le frère d'espionner, ou de rechercher une erreur, de vouloir faire du mal? Le bon comportement, c'est de, si c'est la vérité, accepte. On ne te demande même pas un remerciement. Alhamdulillah, si tu acceptes ça, ça nous suffit. Si ce n'est pas la vérité, route. Et si tu t'es trompé, je refais un bayan, je me suis trompé, fait, حتى يظهر الحق, Et le but, c'est pas que moi ou toi, j'ai le dessus. Le but, c'est la vérité. Enfin, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parles sans science, ils vont dire Andoro des mises en garde sans science. Ça, ils ont tout à fait raison, on n'a pas le droit. Celui qui parle, il met détails, il fait des efforts, ils disent, regardez, il s'occupe que de cela. Alhamdoulilah, on ne s'occupe pas que de cela. Les salafiyoun, ils font des efforts dans l'adoration, ils font des efforts dans le bon comportement, ils font des efforts dans dawa, il a tawhid, il a akhiri. Lakin, les salafis donnent une petite part. Surtout celui qui a la capacité, il donne une petite part pour réfuter et montrer al-haq. Enfin, haoula, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se taise. Nishtami' fi ma ttafaqna alayh. C'est pour ça qu'ils appellent beaucoup à l'union. Ils voudraient, eux, que les salafis, ils s'entraident avec eux, lakin avec une condition. Wa'adulu wa'aduna wa'adun fi mukhtalafna fihi. Et dans ce qu'on diverge, on se tait. Tu ne dis pas je suis un ikhwani, je te dis pas que tu es un kada. On est tous des croyants, on est tous des frères. Et choisis, tu as choisi Cheikh Al-Albani, il dit que c'est légiféré de se dire salafi. Moi, j'ai choisi Cheikh un tel, il dit qu'il faut pas. Et on sait, c'est pas comme ça. Abedan. Abedan, al-haq wahid, comme il a dit l'imam Malik, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala al-haq. وأن ينفعنا بما سمعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.